J'aime le genre, j'aime l'odeur du neuf. Numéro 10, j'ferai pas de dessin. J'pourrais même faire danser tes seins. Négro Diox, a.k.a. le marmot, a.k.a. chien de la casse qui a l'écro. Next the bitch, toi tu passes avec ta bitch. Mon son fait claquer ton stepo et tu flambes devant ma pipe. Oh, malish, t'inquiète, moi j'aime partager. Mon rap écrase les thorax. Oh, quand la juge me condamne, forcément je plaide non coupable. Mon côté bestial affronte les échecs, ce qui fait de moi l'incouchable, ce qui fait de moi un guerrier redoutable. Pierreux à la prod, la zone est devenue macabre. La plupart sont méca sous méta. Me dis pas que tu sais pas, y'a des lignes qu'on ne franchit pas ici. Mon navire est ghetto mais ne coule pas. Mon avenir est porté sur les mots, je rédige des constats. Sortez l'armure, on est venu blinder. Les mecs de ma rue ont les nerfs coincés. Faire des loaves qui a pas pensé. Je rédige des constats et sans juger. Sortez l'armure, on est venu blinder. Les mecs de ma rue ont les nerfs coincés. Faire des loaves qui a pas pensé. Je rédige des constats et sans juger. On vit avec les principes, on survit avec l'illicite. J'tiens un discours que beaucoup voudraient contredire. Si j'ai le privilège de sortir des 10, c'est que pendant que tu tapes la pine, sache que moi je continue de m'instruire. Le savoir est une arme, maintenant tu sais où je tire. Madame, kiffe le négro, regarde sa playlist. Le périmètre délimite, j'élimine d'entrée les suspites. Mon pote, tous parlent de chip, mais porte le clip. Fume pas sur mon sbire, ta bouche sans la ch. Niggaze. Les baffes arrivent de tout par des sonnets. Que des mâles dominants, t'es cerné. Fais pas arma, y'a personne que tu vas berner. Bah ouais, t'as cru qu'on était teubés. Depuis le début, je décharge les cahiers. Des marques d'obus sur ma feuille encryptée. Ici c'est pas plus belle la vie, même en 3D. Je rédige des constats. Sortez l'armure, on est venu blinder. Les mecs de ma rue ont les nerfs coincés. Faire des loaves qui a pas pensé. Je rédige des constats et sans juger. Sortez l'armure, on est venu blinder. Les mecs de ma rue ont les nerfs coincés. Faire des loaves qui a pas pensé. Je rédige des constats.